Les rageux sont touchés, j'ai tiré au flashball. Les gros cherchent pas à piger, c'était dans le huc ou l'épaule. J'cartonne, j'éclaire, que je donne, ça va plaire. Ça fait déjà des rageux, niquez vos mères. Rien à perdre, rien percer, monsieur, pas besoin de votre avis. Si tu veux, on paraît que je fous le feu, faut parer. Je viens dire la vérité, vous pouvez pas m'intimider. Ni même limiter ceux qui veulent test, éviter. La concurrence me fait pitié, la vérité si m'y met, c'est que je vais terrifier. Quand même, sans marquer, j'arrive toujours à me qualifier. Une fois que je suis lancé, on peut plus m'arrêter. Mon nom est gravé dans votre tête à perpétuité. C'est moi, béni oh, qui contamine tous vos cartes. Tu cherches pas, négro, ce Dieu pourra m'estouper. Mais toi, tu me connais, et moi, tu vois, m'en bats les couilles de qui tu es. Et oui, c'est moi, le roi de place 2. Ferme ta gueule. Je suis béni oh, tu me reconnais. Ferme ta gueule. C'est sur moi que tu parlais. Ferme ta gueule. Si t'es haineux ou t'es rageux, ferme ta gueule. Suffit pas de m'écouter, faut aussi savoir m'entendre. Un rageux dans mon quartier, c'est des baffes qui va prendre. N'importe où tu me vois, ferme ta gueule. Tous ceux qui parlent mal sur moi, c'est tous des branleurs. M'oublier est une option, mais je deviens une obsession. Pas mal sur moi, quand je vais marquer sur le terrain. Quand je regarde ce qu'il y a sur le tien, ferme ta gueule, ne dis rien. J'ai réussi à devenir ce que tu peux pas devenir. C'est pour ça que tu passes ta life à vouloir me démolir. Mais je vais te dire, chacun son moyen pour réussir. Moi je suis maintenant organisé comme les terroristes. Je suis pas comme ceux qui riment, comme les grossistes. Tu vois, rien qu'en clash, je suis abondant. Comme dans le foot américain, je te rends dedans. Alors rêve mon horizon, fais pas trop d'illusions. Moi perso, tu vois, je m'en bats les coups de tes actions. C'est moi le maître de place 2. Ferme ta gueule. Je suis béni, tu me reconnais. Ferme ta gueule. C'est sur moi que tu parlais. Ferme ta gueule. Si t'es haineux ou t'es rageux, ferme ta gueule. C'est moi le roi de place 2. Ferme ta gueule. Je suis béni, tu me reconnais. Ferme ta gueule. C'est sur moi que tu parlais. Ferme ta gueule. Si t'es haineux ou t'es rageux, ferme ta gueule. Et le ferme ta gueule. Rageux. Ferme ta gueule. Et le ferme ta gueule. Rageux. Ferme ta gueule. Ok. Je t'ai jamais demandé de m'aimer. Vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule.